Et tous les messagers qui ont été envoyés, tous sont connus. D'accord ? Ils connaissent la... C'est-à-dire avant la Nubuwa, avant Risala, c'est déjà des gens de valeur, des gens nobles, des gens respectables, reconnus par les autres, qui ne mentaient pas et qui ne faisaient pas des fawahish. Tous. Pourquoi ? Comme ça, le jour où il n'y a qu'un message, on ne dit pas « Ouais, mais toi, avant, tu étais à Kaza et Kaza et Kaza. » Pas d'argument. Contrairement, par exemple, nous aujourd'hui, pour les convertis ou les repentis, on n'a rien passé. Certains pires que d'autres. Les gens nous ont connus auparavant. Les gens nous ont vus auparavant. Qui nous étions, ce que nous faisions. Sallallahu yarfou anna. Et après, bifadlillahi ta'ala, wa bi rahmati wa minnati, il nous a ouvert les yeux, ouvert nos cœurs, pour suivre la voie de vérité. Qui est l'islam. Et la tauba, pour ceux qui étaient déjà muslimines, mais qui étaient dans les garments, dans les ma'asi. Et ensuite, min tawfiq ala tawfiq, qui t'est accordé de connaître la sunna. D'accord ? T'as connu la sunna, la salafiyya, la voie authentique à suivre dans l'islam. T'as l'islam, de façon générale, c'est la religion de vérité, mais elle a plusieurs voies, dont une seule est la bonne, comme dans le hadith des 73 sectes. Donc plein de gens sont entrés en islam, mais très peu d'entre eux sont sur la voie droite, la voie authentique. À cause du jahl, à cause des hawa, à cause des choses que Allah connaît par rapport à ce dans le cœur du abd, pourquoi il n'a pas été mis sur la voie droite directement. Ou à kaza. Tout ça pour arriver à dire que une fois que tu as connu justement al-haq, tu tiens à le faire connaître aux autres. Et tu n'acceptes pas, tu n'admets pas qu'il soit contredit. C'est normal. Alors, ghayra fi din. La jalousie en religion. D'accord ? Et tous les hadiths de Inkar al-Munkar, le hadith du Nasiha. Donc, le musulman, souvent, il a la fougue et de vouloir, des fois au début, un petit peu trop. Parce qu'il y a le jahl, tu veux le khayl, mais tu t'y prends mal. C'est maladroit. Trop dur. Trop direct. Sans regarder les conséquences. Et on est trop pressé également. On veut tout de suite. On a connu le haq, on veut que je le connaisse tout de suite avec nous. Là, comme à Khazna min Qobl, « Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. » Tu ne guides pas qui tu aimes, mais Allah guide qui veut. Donc ça ne revient pas à nous. C'est des choses, souvent au début, on a du mal à admettre. Quand on voit des muslimines, tu dis « Subhanallah, j'ai fait tant d'années dans le kufr, j'ai connu l'islam, au fond de là, j'ai connu la vérité, et eux, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est dans l'islam, ils ne connaissent toujours pas la vérité. C'est quoi le problème ? Après, Allah, ils connaissent ce qu'il y a dans les cœurs. Mais c'est vrai que t'as du mal à accepter. Et après, tu te rends compte, tu te dis, subhanallah, cet égarement dans lequel beaucoup se trouvent, ça freine, justement, cette da'wah. Car tu dis, justement, moi, je vous voyais, et à cause de ce que je voyais, j'étais pas attiré par votre religion. Maintenant, au fond de là, j'ai pu connaître la vérité, en connaissant le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, en connaissant les sahaba, en connaissant le salaf, en connaissant les ulama de la sunnah, ça permet de savoir que la bonne religion, c'est celle-ci, que vous, vous êtes des muslimounes, mais votre façon de pratiquer, elle n'est pas bonne. Et ça m'a fait fuir, moi, ça ne m'a pas attiré quand vous pratiquez. Et moi, je veux que l'islam, c'est le haq, et que le monde ne sera se réformer sans l'islam, et que l'islam ne pourra pas se propager tant que nous, les muslimons, ne sera pas plus, tu vois, sur la droiture de façon générale. Pour que les gens voient à travers nous, c'est quoi la religion. Mais ils le voient, un, il fait une haq, et sans qu'il faut n'importe quoi. Les gens ne vont pas prendre le 1. Comme dans le hadith qu'on a appris dans le khabar du Sama qui vient. Le shaitan, il rajoute « Miet kaziba ». Les gens, ils prennent quoi? Ils prennent « Al-akazib kullaha ». Ils servent de 1 pour prendre tous les autres akazib. Les gens sont tirés par le faux, directement. Donc, au début, tu as un peu cette colère envers les autres muslimines. Tu les aimes et tu dis « Subhanallah ». Tu vois? Après, c'est une chose qu'Allah a voulu. « Min al-mashiyah ». Donc, ce que je voulais dire, c'est que après que tu aies connu tout cela, tu viens et tu fais nasiha aux gens, à des muslimines. Et tu dis, ah, alors toi, il y a encore, je sais pas combien de temps, tu faisais ci, ça, ci, ça, maintenant tu viens apprendre à voir ma religion. Tu vois? Ça y est, t'as fait ta shahada, t'as un peu de barbe qui pousse, tu as connu, tu sais, il a dit, je sais bien pour toi, mais doucement, calme-toi, tu vois. Moi, je prends l'islam de, je le connais, hein, mon grand-père était comme ça, mon grand-père était comme ça, et kaza, et kaza, et kaza. Tu dis, non, mais Allah, il n'a pas envoyé ton grand-père pour moi. Dans le Coran, Allah, il parle de qui? De Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Harisun alaykum ma'anitum, harisun alaykum bil mu'minin, raufur rahim. Vous êtes venu un messager entre vous. Donc, pour dire qu'on le connaît, on sait qui il est, on connaît sa droiture, on connaît son sitr. Toi, ton grand-père, je ne sais pas qui il est, je ne connais pas sa droiture, je ne connais pas son sitr. D'accord? Et si l'islam de ton grand-père, c'est même que le tien, bah désolé, bah, il ne m'aura pas attiré non plus, quoi. Tu vois? Donc, quoi qu'il en soit, respect pour le grand-père, respect pour les oncles, donc ils sont des musulmans. Mais moi, c'est le messager d'Allah qu'on m'a envoyé, pour prendre comme exemple, pas les autres. Hormis quelqu'un qui sera sur la voie du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Mais tu me dis, les gens, moi, je ne vois pas comme ça. Donc les gens vont souvent te rejeter. Tu viens avec Adil, tu viens avec des versets du Coran, tu viens avec des hadiths, tu viens avec des fatawas, ils te prennent de haut. Pourquoi? Tu as dit que toi, tu as quelques jours, tu as quelques mois, tu es tout nouveau en islam. Moi, je suis un ancien, je connais. Ça, c'est triste. À la base, le haq, on l'accepte de qui il vient. Omar, radiallahu anhu, il faisait rentrer Ibn Abbas avec son assemblée, des gens qui consultaient. Et parmi eux, il y avait des gens qui étaient âgés. Et il leur a dit, une fois, il a amené Ibn Abbas, et ils ont dit, mais on a des enfants comme lui, on n'a pas besoin de lui. Tu vois? Après, il leur a dit, Mazata Kouloum, fi kulli azza wa jal, il a dit, Nasrullahi wal fatah. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا سورة النصر le secours. Et leur a dit, vous dites quoi ce verset là? Et ils ont dit différentes choses. Et après il demande à Ibn Abbas, et toi tu dis quoi? Il dit, Allah a informé à son messager que son délai est proche, donc de faire les tasbih et que la victoire arrive du fait qu'il sera libéré, tout cela. Et vraiment il a dit, je connais ce que je connais, ce que tu connais toi aussi. On dit, regardez, vous êtes tous là, ce jeune connaît mieux que vous. Alors, vous êtes des grands, les gens de Badr et Rel Zalika, il a dit, ce petit jeune-là connaît mieux que vous. Tout comme dans son majlis de Omar, il y avait des jeunes, mais il y avait aussi des âgés. Là, il faut la tafrit. C'est pas le nouveau, il va tout apprendre, c'est sûr. Et tu jettes l'ancien Bikulia. C'est pas l'ancien, il va tout apprendre, et le nouveau, il va rien t'apprendre. Des fois, tu as des nouveaux, ils ont une mas'ala que l'ancien ne connaît pas. Dans le hadith, parce que le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à ses sahaba, il a dit, « Shajara tujbil mu'min, ma'ahi. » Il a dit, « Un arbre qui ressemble au muslim, au croyant. Quel est cet arbre ?» Et dans le majlis, il y avait Abu Bakr, il y avait Omar. Et Ibn Omar, il était là. C'est encore un enfant. Et il a dit, « Waqa'a fi nafsi, ya nakhla. » C'est le palmier. Mais j'ai pas osé parler. Parce qu'il y a mon père qui était là, il y a Boubacar qui était là. C'est le respect des anciens, des grands, tu vois. Mais c'est pas les anciens de maintenant. C'est les vrais anciens, c'est les sahaba. Tu vois, les gens sur qui il n'y a rien à dire par rapport à la voix qui suivait. Mais par respect pour lui, il n'osait pas parler, tu vois. C'est un enfant. Il restait à sa place. Il n'a pas répondu. Et le Nabi Sassam, il a dit, il y a Nakhla. Normal, il s'est senti bien après, tu vois. Mais il n'a rien dit. Et en sortant, il a dit à son père Omar, vous savez que c'est le Nakhla. Il a dit à Bounaye, là-haut, à Jabta, la kana habbiliyem de dunya kulliha. Si t'avais répondu, ça aurait été encore plus aimé pour moi que la dunya entière. La fierté que j'aurais de ce que t'as dit. Que t'as dit le haq, était encore un enfant. Et Omar, ça, il a pris ça en considération, parce que par la suite, il écoutait aussi les jeunes. Il savait, parmi les jeunes, qui était un alim, qui avait du ilm. Il a beau être jeune, mais il a du ilm. Il a beau être nouveau, il a du ilm. Abu Huraira, radiallahu anhu, combien de temps il a fait avec le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam? 3 ou 4 ans. Ahfaz al sahaba. Ahfaz, celui qui a le plus de hadith, c'est lui. Il n'a pas fait autant de temps que les autres. Il a plus de hadith que les autres. Donc ne pas dire, oui, c'est un petit nouveau, il ne connaît rien. Le petit nouveau, il peut avoir une masala que tu ne connais pas. Même des fois, un talib rappelle le masala à un alim. Non pas qu'il soit plus avant que lui, mais le alim, des fois, il a un oubli. Et le talib, cette masala, il s'en rappelle à ce moment-là. Peut-être qu'il a lu la veille, ou il s'en rappelle bien, il a bien mémorisé. Il dit, ya shir, kaza, kaza, naam, sah. Ou des fois, même le chef fait une erreur. Le talib, il le reprend sur un truc. Il dit, sah, ahsanta, ahsanta. Non, il dit pas, ouais, quoi, toi? T'es mon talib, t'as rien à dire, c'est moi le cher. Ayoudia dahada. T'as des gens qui réagissent comme ça. Je me rappelle au début, j'avais connu un homme. enfin, qui était parmi les causes de mon avancée dans le djinn. Il a fait beaucoup de trahi pour moi, mais bon, il était mouta'affar bi jama'at tablir. Et après, quand j'ai connu le tablir, j'avais pris des polycopiers, pris de sites à l'époque, le calef de l'Albani, qui parlait sur le tablir. Je dis, non, il faut que je le dise. Enfin, pas me dire, cet homme-là, il m'a fait beaucoup de trahi, je vois qu'il fait des choses qui sont c'est pas bonnes, il faut que je le dise. Tu vois? Et je viens le voir un jour et tout. Il dit, il faut que je parle avec toi et tout. Mais j'étais pas bien, tu vois. Il est âgé, tu vois, et tout. Et je dis, oh, comment je vais lui dire ça et tout. Bref. Et je lui dis, ah, je vais rien lui dire. Il dit, tiens, regarde, lis ça et tout. Il savait lire français, c'est pas français, mais il savait lire le français. Il lit, et je vois sa tête, elle change. Elle redoble son visage. Hey, c'est quoi ça? Tablir bidar, il me regarde comme ça et tout. Hein? Après, c'est Asrad. Hey, vous voyez ce qu'il dit là? Tablir bidar, après, il rigole d'un rire, tu sais, d'un rire, genre, un petit calme-toi, tu vois. Il me dit, fais une tête genre, hey, doucement, tu vois. Je dis, Mawa Kalami, je dis, c'est pas mon Kalami, c'est Al-Albani. C'est qui Al-Albani? Tu vois? Parce qu'on dévoule avec ça. Al-Albani, Al-Rosaymin, et voilà, on connaît rien d'autre. Mais bon, ça, Al-Sam Yaksi, tu vois. Il connaissait l'Albani, c'est très bien que c'était, tu vois. Il avait vu que je suis annoncé à avoir un mouyoul vers la Salafia, de toute façon. Il s'en était rendu compte, tu vois. Il me disait, bida, bida, bida, bida, bida. Mais là, il a pas été dur avec moi, tu vois. Juste au moment où elle était, et après, il faisait des trucs, et il me dit, eh, ah, bida. Et il rigole, tu vois. Mais il me parle toujours, Adi, tu vois. Mais dans le sens, il dit, va doucement, petit. Bon. Après, j'ai pas insisté. J'ai pas insisté. Mais pour te dire que, je crois pas que le fait que l'autre soit un ancien, et toi, t'es un nouveau, que le nouveau l'aura forcément tort. Et là. Écoute ce qu'il a à dire. Écoute ce qu'il a à dire. Et s'il a raison, il arrive à te prouver qu'il a raison, t'acceptes. Et s'il a tort, tu lui expliques, il y a, Mawa Kazafi, Alain, que la vérité, c'est Kaza et Kaza et Kaza et Kaza. Nam. Mais nous, on fait attention au début à la fougue. Au début, on a beaucoup, beaucoup de fougue. Et on fait des choses très maladroitement. On fait beaucoup d'erreurs au début. Sallallahu alayhi wa sallam. Non.